y a aussi l'humeur de Guillermo Guiz. N'ayez pas peur. Attention, la Belgique, bonjour les amis. La Belgique a gagné 3-0, donc il est en forme, Ernest. Bonjour les amis. Voilà. En ce moment, les gens. T'as qu'à faire Jean, tu m'écoutes pas aussi quand je te parle. Ouais, il a pris je fais le pouvoir, pas Jean. Hein. J'écoute vraiment. Je sais que t'écoutes. Ça te fait quoi d'avoir gagné 3-0? Mais heureux, qu'est-ce que je vous dis, Nagui. On a bien fait ça, contrairement à certains. Ça va. Mais justement, on va en parler. Ça va, les amis, vous allez bien? En ce moment, les gens ils me demandent toujours. Alors, ils me demandent c'est pour quand cette démission? Je leur dis bientôt, ne soyez pas aussi fougueux, les gens. Mais avant de quitter Inter et d'aller rejoindre Jérémy Crédville sur Pétanque FM, la radio qui parle de boules, toutes les boules. Non, je voudrais vous parler deux secondes de foot justement et de Coupe du Monde. Ah, trop bien, ça nous changera tes billets sur les pignons de pain, ça le végétarien en plastique. Ça va, t'as pas craqué, tu manges toujours plus d'animaux décédés? Non, ça va, je tiens le coup. Deux mois. J'ai vu, mais tous les réseaux reprenaient le fait que tu me copies. 16 secondes. J'ai faim, putain. Non, en vérité, j'ai vu le match de la France ce week-end. Et j'ai une question. Qu'est-ce qui vous arrive? Quoi? Elle est où la France, flamboyante et fière d'elle-même et triomphante et dominatrice? Et flamboyante et fière d'elle-même et triomphante et dominatrice? Je parle pas au niveau du jeu, hein, je parle au niveau des commentaires. Je crois que c'est officiel, vous avez les commentateurs les plus dépressifs de toute l'histoire du football, en fait. Franchement, c'est l'ambiance sur TF1 samedi. Ça m'a rappelé la mort de mon père, en fait, vraiment. Je vous promets qu'à l'enterrement de mon père, les gens étaient de meilleure humeur, franchement. Et pourtant, on était quand même bien dégoûtés. Je dirais, il n'y a pas d'héritage et tout, franchement. Il s'est bien foutu notre gueule, celui-là. Mais vraiment, mais... Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu, je les aime bien, mais à un moment, je me suis dit, ils vont se suicider, en fait. Vraiment, on va vivre un moment historique, ils vont se foutre en l'air. Je crois que Margoton, il fait, si la France doit quitter ce premier tour, elle le fera à 23. Mec, c'est le premier match de la Coupe du Monde, t'es même pas mené au score, tu vois, tu parles déjà de quitter le premier tour, c'est quoi ce défaitisme? On aurait dit Leïla quand quelqu'un lui fait, oui, bah, Laurent Deleuze, il présentera pas le JT toute sa vie, t'inquiète pas, et qu'elle dit, si, je le connais, il lâchera rien, ce bâtard. Je suis condamné à faire des mes oreillons sifflés, dans une émission de branquignol pour tout ma life. Je suis foutu, même pessimisme. Je vous promets, Margoton, il a sorti des phrases mythiques, genre « La maison France est en danger ». La maison France, je me disais « Putain, ça y est, il est pas mort le maréchal, maréchal Pétain ». En fait, il commande des matchs sur TF1, mais non, qu'est-ce qui se passe? Ça, je peux vous garantir, en Belgique, il n'y a personne qui dit « La maison Belgique est en danger ». Chez nous, il n'y a pas de maison, au mieux, il y a une hutte ou une roulotte, enfin, c'est tout ce que tu peux avoir. Mais allez, quoi, un peu d'entrain, putain, ça peut arriver d'être poussif contre une équipe... regroupés, solidaires. Ils avaient mis le bus devant le. Mais voilà, le regardez but, la Belgique hier, par exemple, la première mi-temps. Franchement, elle m'a donné envie de crever dans une pisciculture. Vous en avez parlé. En plus, on n'a pas tous la chance d'avoir des joueurs de classe mondiale, genre Hazard, De Bruyne ou Lukaku. Vous faites avec vos moyens, c'est mignon. Moi, j'adore. Mais il est où votre goût de la supériorité? Limite, je regrette Thierry Roland. T'as oublié Courtois et Meunier quand même. C'est vrai, on est fort. Mais il est où votre goût de la supériorité? Moi, je regrette Thierry Roland. Tu vois, il insultait l'arbitre et tout. Il se moquait du physique. Il était nostalgique des colonies. Ok. Ouais. Mais bon, au moins il y avait de l'enthousiasme, quoi. C'est vrai. Je vous jure, en Belgique, on avait bien détesté Thierry Roland. Jean-Michel Larquet, on regardait exprès sur TF1, on s'est dit putain, les Français, comment c'est des grandes gueules. Regarde comment ils sont chauvins, ils se la pètent et tout. Aujourd'hui, franchement, c'est l'extrême inverse, quoi. C'est la Coupe du Monde, la contrition. Franchement, vous êtes là, c'était tellement la dep sur TF1 qu'à un moment, j'ai fini par regarder France-Australie sur une chaîne belge. Je me suis dit, il y aura plus d'ambiance. Et c'est... Alors que le commentateur, il était seul. Le commentateur belge, il y avait plus d'ambiance. Seul dans sa cabine, comme Daniel Morin à Pigalle quand il met 4 sous pour essayer de jouir. Seul dans sa cabine, franchement, c'était hyper glauque. Et pourtant, on a l'image, c'est monstrueux. C'est bon, même ça, il était plus motivé que vos commentateurs. Et ils l'ont reconnu à la fin, Margoton et les Arasou. Ils ont dit on aimerait bien se libérer, mais on est tout noué. Putain, qu'on lui envoie du poppers, quoi. Merde, Nagui, faites quelque chose. Je sais que vous avez des contacts en Russie avec le milieu des stupéfiants et tout. Envoyez-leur du tonus, c'est pas possible. On aimait bien vous détester, là, on a envie de vous consoler, quoi. Ça va plus possible. Bon, allez, bon match jeudi. Et bonne émission, les amis. Merci. Bravo.